Chapitre 41. Son parti arrêté, elle n'en différa pas l'exécution. Le soir même, lorsque le marquis se fut, comme à l'ordinaire, retiré dans son appartement, elle descendit sur l'esplanade. La soirée était douce, une soirée de printemps. La brise, qui soufflait faiblement, était chargée du parfum des fleurs et des feuilles nouvelles, pas de lune, mais un ciel clair, criblé d'étoiles. L'une des fenêtres de la bibliothèque était ouverte, formant un trou sombre dans la façade blanche du château. Au milieu de l'obscurité brillait un petit point lumineux qui, par instant, jetait un éclat et bientôt pâlissait, le cigare du marquis. Celui-ci était donc dans la bibliothèque, sans lampe, et assis dans son fauteuil, il rêvait en face du ciel étoilé. La demi-heure après 10 heures sonna à l'horloge. Les fenêtres de Denise étaient déjà sombres. Celles de Madame Mérot et de Monsieur de Carquebus, au contraire, étaient éclairées. Denise était couchée. Le frère et la sœur étaient retirés dans leur chambre. Elle reprit le chemin détourné qu'elle avait suivi pour venir et rentra rapidement au château. Tout était tranquille et silencieux. Du côté des cuisines seulement, on entendait, en prêtant l'oreille, quelques bruits confus. Elle entra dans le parloir, puis, ayant traversé le cabinet de travail, elle ouvrit à tâtons la porte de la bibliothèque. Mais aussitôt, elle poussa un petit cri. « C'est vous, Valérie ? » dit-elle. « Je ne vous savais pas là. » « Ce n'est pas Valérie qui est là, » répondit la voix du marquis, « c'est moi. »« Ah, monsieur le marquis, je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Je venais chercher un livre. » « Sans lumière. » « Je n'en avais pas besoin. Il me faut pour notre leçon de demain le premier volume de Bernardin de Saint-Pierre. Et je savais le trouver sur le troisième rayon à gauche de la fenêtre. » Disant cela, elle se dirigea vers la fenêtre et prit le volume dont elle avait indiqué la place. « Vous avez de bons yeux, » dit le marquis. « Monsieur de Carquebus prétend que j'ai les yeux de chatte. » « Il prétend bien des choses, monsieur de Carquebus, » dit le marquis sur un ton de mauvaise humeur. Sans répondre, elle se dirigea vers la porte de sortie lentement à petits pas. « Vous plairait-il de rester un moment ?» demanda le marquis en jetant son cigare par la fenêtre. « Je suis à vos ordres. C'est une prière. » Et comme elle restait debout au milieu de la bibliothèque, « Veuillez donc vous asseoir, » dit-il en lui indiquant de la main un fauteuil placé vis-à-vis le sien. Bien que la pièce fût sombre, comme le marquis se trouvait entre elle et la fenêtre, elle voyait ses mouvements se découper sur le soleil pâle. Elle vint s'asseoir sur le fauteuil qu'il lui avait montré et se trouva ainsi à 2 ou 3 pas de lui, face à face. Appuyée d'une main sur le bras de son fauteuil, il resta plusieurs minutes, 4 ou 5 peut-être, sans parler, la regardant. « Je vous parlais de monsieur de Carquebus, » dit-il enfin à mi-voix. « Je voudrais vous adresser une question à son sujet. » « Vous me répondrez ou vous ne me répondrez pas, selon qu'il vous conviendra. Mais enfin, j'aurai fait mon devoir en vous posant cette question. Vous n'avez pas à vous plaindre de monsieur de Carquebus. Comment l'entendez-vous » demanda-t-elle avec une ingénuité parfaite. Il resta un moment hésitant, cherchant évidemment une tournure pour faire entendre ce qu'il ne voulait pas dire. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sérénade ?» comme dit mon cousin. « À cet égard, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. » Quand j'ai entendu cet effroyable charivari que M. de Carquebus appelle un air de trompe, je me suis levé et sur l'esplanade j'ai perçu M. de Carquebus qui sonnait tant qu'il avait de force. J'avoue que les contorsions qu'il faisait m'ont paru si drôles que j'ai été prise d'un fou rire. Heureusement, mes rideaux étaient fermés et M. de Carquebus n'a pas vu le succès qu'il obtenait. C'est l'incident du déjeuner qui m'a appris que c'était une sérénade. Et à qui cette sérénade était-elle donnée ? « Il faut être franche ?» demanda-t-elle avec embarras. « Vous pouvez ne pas me répondre, je vous l'ai dit. »« Mais, répondant, je dois le faire en toute sincérité. J'avoue donc que j'ai tout lieu de croire que c'était à moi. »« Ah, monsieur de Carquebus s'est permis une telle liberté » s'écria-t-il en se levant d'un bond. « Lui, chez moi !» Si le marquis avait pu voir le visage de Clémence, il aurait remarqué qu'un sourire le traversait. « Ah, enfin !» disait ce sourire. La jalousie opère donc. Mais il ne vit rien. D'abord parce que la pièce était sombre, et aussi parce que dans l'emportement de la colère, il était incapable de remarquer ce qui se passait sous ses yeux. « J'ai supporté beaucoup de choses de la part de mon cousin, » dit-il, « mais il passe vraiment la mesure, et je ne puis souffrir qu'il s'attaque à une personne que j'estime. Mais rassurez-vous, demain je mettrai bon ordre à cela. » « Je ne saurais vous dire, » répliqua-t-elle avec douceur, « combien je suis touché de l'empressement que vous apportez à me défendre. Mais d'un autre côté, je voudrais vous demander la permission de me défendre moi-même. Cependant, laissez-moi vous dire que, dans ma position ici, ma défense prise par vous, monsieur le marquis, serait bien compromettante, si j'ose m'exprimer ainsi. D'ailleurs, cette défense est tellement facile que je n'ai vraiment pas besoin d'aide. Vous ne connaissez pas monsieur de Carquebus ? Pardonnez-moi, monsieur le marquis, et c'est précisément parce que je crois le connaître que je dis que ma défense est facile. Au reste, j'ai essayé, je crois qu'il ne sera plus question de sérénade ou d'autre plaisanterie de ce genre. Si j'avais répondu à monsieur de Carquebus que j'étais une honnête femme, peut-être n'eût-il pas pris cette raison au sérieux, car il ne croit pas à l'honnêteté des femmes, monsieur de Carquebus. Que lui avez-vous opposé alors ? Mon Dieu, monsieur le marquis, vous allez sans doute trouver que j'ai pris de grandes libertés avec une personne qui vous touche de si près. Mais mon excuse est qu'il fallait me défendre contre quelqu'un qui se montrait très pressant. Oui, vous l'avouez vous-même, qui se montrait mais qui ne se montrera plus. Je lui ai dit que si jamais j'étais abandonné de Dieu au point d'oublier mes devoirs, ce ne serait point pour un vieillard. Que sans doute une femme pouvait faillir, mais il fallait alors qu'elle fût entraînée par un amour irrésistible, et que l'homme qui inspirait une pareille passion devait avoir en lui, elle détacha ces mots, quelque chose de grand, de noble, de puissant, qui ne pouvait se rencontrer ni dans un enfant de 18 ans, ni dans un vieillard de 60. « Et qu'a répliqué monsieur de Carquebus ?» demanda le marquis d'une voix rieuse. « J'ai cru qu'il allait me poignarder, puis il s'est approché de moi et respirant, vous savez comme il respire, il m'appelait « Petite couleuvre ». Le marquis se renversa dans son fauteuil en riant aux éclats. Cette histoire lui paraissait charmante et le chatouillait agréablement. Il se fit un long silence. À quoi pensait-il ? C'était ce qu'elle se demandait, examinant toutes les probabilités qui pouvaient se présenter à son esprit. Lorsqu'après plusieurs minutes, il lui adressa la question la plus étrange et la plus insolite. « Êtes-vous toujours content de Denise ? » dit-il. Tout d'abord, elle fut déconcertée et machinalement lui répondit « Oui, monsieur le marquis, très contente. » Mais bientôt, sa sagacité ordinaire lui revint. Il comprit que cette question en apparence ridicule précisait au contraire la situation. Il voulait parler, parce qu'il fallait parler, parce qu'il lui avait demandé de rester près de lui. Mais comme il ne voulait pas dire ce qu'il avait dans le cœur, il appelait Denise à son secours. Alors elle se tut, et le silence reprit, plus lourd et plus pénible. Ils étaient en face l'un de l'autre et ils ne disaient rien, pas un mot, pas un geste. Elle entendait seulement la respiration pressée du marquis. En ce moment, la partie du ciel qui se trouvait devant leur fenêtre s'éclaira d'une lueur rouge qui, en se répandant rapidement en hauteur comme en largeur, fit pâlir les étoiles. C'était la lune qui se levait. Bientôt elle apparut dans la profondeur de l'horizon comme un point lumineux au-dessus des collines sombres. Rapidement, ce point grandit et s'arrondit, et une pâle lumière courut sur les campagnes. Ce leur fut une diversion qui rendit le silence moins pénible. « Vous nous aviez fait de Rudemont, dit-elle enfin, un tableau trop sévère. Ce n'est point le pays après Rude que vous nous aviez dépeint quand vous nous en avez parlé en chemin de fer. Ce pays vous plaît-il ? Je le trouve admirable. Si le mot était encore à la mode, je dirais qu'il a des beautés romantiques. En tout cas, dans le silence de cette nuit, par cette soirée de printemps, tiède et parfumée, sous cette lumière de la pleine lune d'avril, il fait entendre une voix qui remue l'âme. Disant cela, et comme si elle avait peur de se laisser entraîner par cette émotion poétique, elle se leva et alla s'accouder sur l'appui de la fenêtre en regardant la lune. Bien qu'elle tournât le dos au marquis, elle devinait à peu près aussi sûrement que si elle avait pu le voir ce qui se passait en lui. Tout d'abord, quand elle s'était dirigée vers la fenêtre, il s'était levé à demi pour la suivre. Elle avait entendu le bruit de ses pieds sur le tapis, mais presque instantanément, un craquement du fauteuil lui avait appris qu'il se rasseyait. Elle ne s'était pas retournée, seulement elle avait relevé un peu la tête en la tournant à demi. Comme cela, elle se présentait de profil pour le marquis, et par un hasard tout à son avantage, sa tête fine se découpait sur le ciel lumineux. Les minutes s'écoulèrent. Enfin, elle entendit le marquis se lever. Doucement, il vint près d'elle. Elle ne bougea pas. Tout à coup, elle sentit un souffle brûlant lui passer sur le cou. Un bras lui enlaça la taille. Elle était sur la poitrine du marquis. Vivement, elle se dégagea et courant à travers les meubles, comme si la pièce avait été éclairée, elle alla se blottir sur un divan. C'était au tour du marquis de se trouver entre elle et la lumière de la lune. Elle le vit s'avancer. Mais tout à coup, il s'arrêta brusquement et, des deux mains, il se frappa la poitrine par un geste désespéré. Pendant quelques secondes, il demeura immobile. Puis il reprit sa marche. Mais au lieu de venir à elle, il se dirigea vers la cheminée et son bras s'étendit. Elle entendit grincer un mouvement de sonnette. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit devant le valet de chambre. « Des lampes !» dit le marquis. Les lampes furent apportées. Alors Clément, se levant et s'adressant au valet de chambre, sans regarder le marquis. « Voulez-vous m'éclairer jusqu'au vestibule ?» dit-elle. De côté, elle regarda le marquis. Il ne bougea point,